Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, nous allons rire avec Kad Merad. Dino Fabrizi est le vendeur numéro 1 de la concession Maserati à Nice. À 42 ans, il arrive à un tournant de sa vie. Le poste de directeur lui est ouvertement proposé et s'accompagne depuis un an, Hélène, à la ferme intention de l'épouser. Pour Dino, la vie est belle. Sauf que cette vie parfaite est construite sur un mensonge. Lasciatemi cantare. Vous êtes bien matinal en ce moment, monsieur Fabrizi? Oui, comme on dit chez nous, la mattina è la madre delle grandi vittorie. Si, si, capito. Ciao, maman. Monsieur, la direction m'a laissé carte blanche pour désigner mon successeur. Ce sera le meilleur de vous deux. Ok, je signe où? Ça fait 10 ans que je me casse le cul à bosser comme un chien. Donc l'autre, il se contente de terminer ses phrases par... Ciao, bella. Ciao. Ouh! Tu sais rien de ta vie, Dino. J'aimerais bien connaître tes parents. Ah ouais. Mourad, mon Mourad. Ça va, maman? Ça fait 5 ans que je suis conscient de tes conneries, ok? C'est bien, j'ai pas eu le choix. Oui, je sais. 45 visites d'appartement, 45 dossiers, je suis au courant. Ouais, et à chaque fois la même réponse. Désolé, traduisez pas de rade dans l'immeuble. Bon, allez, Mourad, quand est-ce que tu nous ramènes une fiancée? Ah oui, elle a raison, ta mère, elle est où, madame Bin Saoud? Attendez, c'est un repas de famille ou un interrogatoire, là? Quoi ton problème? J'ai promis à mon père de faire le ramadan à sa place. On dirait que ça t'enchante pas, hein? Mais si, mais c'est que... Laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Avec la vie que tu mènes, tu vas te faire griller en 2 jours. L'Italien, un film d'Olivier Barou avec Kad Merad, Valérie Benguigui, Roland Giraud, un DVD Fox Pathé Europa.